drogue oscille entre 20 000 et 80 000 euros par jour. Ce sont des réseaux entiers qui font vivre une cité. Chez nous, c'est batterie, blague de shit, rap, musique et artiste. Bénéfice, gros somme, dit trafic, c'est tragique. Dans les quatre coins de Marseille, c'est ma ville. Marseille, c'est la French Connection, réseau et crime. Affaire troublante en prime, tel Ranuccio de kidnapping. Marseille, c'est quartier malsain, tu sais. Cartel de malfamille, affamé d'oseille, tu sais. Les petits faillants s'identifient aux grands honneurs baisant les broches. Je connais l'objectif, ça compte sans mettre plein les poches. Mais compte combien dans les geôles, combien de jeunes en tol, combien dans leur cul pour le garçon et les folles. C'est trop de choses à dire, autant de bien que de mal. Sauf que le mal est primordial dans ce thème. Viens voir par toi-même. C'est ma ville et comme dit Lenzo, c'est danger. Faut que la jeunesse d'ici est peu rangée. À chaque point de vie, c'est gaz, alcool, shit, tasse dans les halls. Bref, je t'ai décrit ce qui se passe à Marseille, ouais. Sur ma vie. Tu me crois pas la famille, viens faire un tour dans ma vie. Batterie, blague de shit, rap, musique et artiste. Bénéfice, gros somme, dit trafic, c'est tragique. Dans les quatre coins de Marseille, c'est ma ville. C'est ma ville, chez nous c'est batterie, blague de shit, rap, musique et artiste. Bénéfice, gros somme, dit trafic, c'est tragique. Dans les quatre coins de Marseille, c'est ma ville. C'est ma ville. Marseille, c'est cramé, c'est danger. C'est des caves remplies d'armes chargées, prêtes à tuer. C'est des règlements de compte, des braquages à la zone. Des petits qui guettent et qui charbonnent, histoire de s'armer de belles époques. J'ai des vols de sac à main, c'est des cartes bleues volées. C'est des sous de main à la main, et ils nous parlent pas de travailler. C'est des pères de famille qui claquent leur thune au poker. C'est des mères de famille, interdit bancaire. C'est des jeunes qui grattent, qui rappent, qui vont tout faire pour se faire entendre. C'est des mecs appuyés sur la détente pour se détendre. C'est des gens qui rentrent, qui sortent de tôle pour plusieurs raisons. Plus souvent quand tu tombes, c'est du shit, braquage ou agression. C'est des putains jarrés qui donnent leur cul pour rien. C'est des jeunes qui marchent, qui se font embarquer pour rien. Bref, j't'ai décrit ce qui se passe à Marseille sur ma vie. Tu me crois pas la famille, viens faire un tour dans ma vie. Batterie, blague de shit, rap, musique et artiste. Bénéfice, gros somme, vie, trafic, c'est tragique. Dans les quatre coins de Marseille, c'est ma ville. C'est ma ville, chez nous c'est batterie, blague de shit, rap, musique et artiste. Bénéfice, gros somme, vie, trafic, c'est tragique. Dans les quatre coins de Marseille, c'est ma ville.